Sud ni au Mungere. Bonsoir ou bonjour, tout dépend de la zone de couverture. Bienvenue dans cette édition en langue française dont voici les principaux titres. Les partis politiques Codebou et FNL s'inquiètent de la montée en flèche des prix des produits de première nécessité au Burundi ces derniers jours et demandent au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour stabiliser ces prix. Et une partie des locaux de l'école fondamentale Kiyang 2, nous sommes dans la province de Makamba, est dépourvue de toiture depuis le premier trimestre de l'année scolaire en cours suite aux pluies. Des écoliers suivent des cours dans une église et des parents appellent à la réhabilitation urgente. Et les caféiculteurs de la commune et province de Kayanza disent ne pas être satisfaits du nouveau prix du kilo du café cerise récemment annoncé par le Conseil des ministres et établi à 1380. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page politique pour débuter ce journal. Le parti Codebou trouve que la hausse des prix des produits de première nécessité serait due à une mauvaise planification et gestion de l'économie du pays et a comme conséquence la dépréciation de la monnaie burundaise. Kefani Bizi, président de cette formation politique, déplore qu'il n'y a pas de projet concret pour augmenter la production à exporter. Il le dit après que certains habitants burundais, comme ceux de la zone Boutelele, s'inquiètent de la hausse des prix des produits de première nécessité. Suivez Kefani Bizi. Pour cette question qui concerne la cherté de la vie causée par une montée galopante des prix des denrées de première nécessité, nous situons les causes de la mauvaise gestion de l'économie nationale qui est caractérisée par l'absence de projets et de développement qui pourraient augmenter la production, mais aussi la mauvaise gestion des ressources disponibles par la corruption et le détournement. On ne peut pas mettre de côté la dépréciation de la monnaie burundaise qui est devenue très inquiétante parce que, comme vous le savez, nous sommes dépendants de l'extérieur à ce qui est de beaucoup de produits manufacturés, pourquoi pas aussi des produits alimentaires. Et par voie de conséquence, les prix sont au plus haut sommet à tel point que la population devient de plus en plus incapable de se procurer des biens dont elle a besoin. Quant aux solutions, je pense qu'il ne faut pas aller par quatre chemins. Le gouvernement doit bien gérer l'économie nationale, notamment en augmentant la production des biens dont nous avons besoin ici localement, mais aussi des biens exportables afin que nous puissions avoir les devises en quantité suffisante. Aussi, le gouvernement d'asseoir les principes et les pratiques de la bonne gouvernance en excluant la corruption et le détournement des biens publics. Mais aussi, je pense qu'il est temps que le gouvernement déclare aux faces du monde que nous connaissons une crise économique et accepte les conditionnalités qui sont fixées par les partenaires techniques et financiers de notre pays afin que les appuis au développement puissent venir en quantité suffisante avant que l'eau déborde la vase. C'était Kefani Bizi, le président du parti Codebou. Et pour le parti FNL, l'on pense qu'il y aurait des investisseurs au cadre de l'État responsables de la spéculation dans la production, laquelle serait parmi les facteurs de la montée des prix de produits de première nécessité. Jacques Guilliman, président de cette formation politique, explique qu'il est incompréhensible d'entendre que la production est bonne sur tout le territoire national alors que les prix restent élevés. Il demande au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour stabiliser les prix de ces denrées alimentaires. Suivez. C'est vraiment la catastrophe à voir la montée en flèche des prix des denrées alimentaires. C'est inquiétant et ça fait peur. La population dans plusieurs localités du pays est très découragée et commence à avoir peur. Quant à sa survie dans le futur, parce que si les choses continuent comme ça, avec cette hausse des prix des denrées alimentaires, et la vie deviendra finalement impraticable. Tout le monde se pose la question de savoir pourquoi ces prix continuent à monter, alors que, contrairement à ce qu'on s'attendait, nous voyons la production qui est meilleure aujourd'hui par rapport aux autres périodes passées. Maintenant, il y a une production quand même satisfaisante, des haricots, du manioc, pommes de terre et du maïs. Mais je ne comprends pas comment cette production n'a pas été objet de la baisse des prix des denrées alimentaires. Normalement, les prix devraient être conséquents. Alors, c'est un phénomène inexplicable que tout le monde ne voit pas comment s'y prendre. Parmi les gens qui me consultent, beaucoup d'entre eux me disent qu'il y a la spéculation. Tous ces gros magnats, ces princes ou même ces riches, maintenant, qui sont dans l'agriculture et qui récoltent beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport aux simples paysans, qui attendent que la production des paysans s'épuise et puis ils viennent et mettent leur production sur le marché avec des prix exorbitants. Alors la population décrit beaucoup ce comportement et demande que les prix devraient être régulés par l'État pour que le petit peuple ne perde pas et que le grand magnat gagne au détriment des intérêts du peuple. Donc nous lançons un appel aussi au gouvernement d'analyser cette situation, mener des enquêtes et s'ils trouvent que réellement cela est vrai, alors qu'ils prennent des mesures pour préserver les intérêts de la population et surtout du petit peuple. C'était Jacques Ebiguinimana, il est le président du parti FNL. Et les caféiculteurs de la commune et province de Kayanza n'apprécient pas le prix du kilo du café cerise récemment annoncé par le Conseil des ministres établi à 1380. Les caféiculteurs trouvent que le gouvernement burundais devrait reconsidérer ce prix de cette culture industrielle au regard de la montée exorbitante des autres prix. Des autres denrées alimentaires de Kayanza, Patrick Nsengiyumva. En date du 20 mars, l'Ankoura, le Conseil des ministres s'est réuni et a fixé que le prix du café cerise pour la campagne café 2024 sera vendu par les producteurs de ce produit à 1380 francs le kilo. Toutefois, les caféiculteurs à Kayanza disent qu'ils ne sont pas beaucoup satisfaits par ce prix. Certains d'entre eux indiquent que 1380 francs et le 1 kg de café cerise n'est pas satisfaisant compte tenu des moyens qu'ils engagent pour entretenir cette culture industrielle. D'autres caféiculteurs à Kayanza indiquent qu'au regard de la montée des prix des denrées alimentaires au marché, ce prix du café reste encore faible. Ces agriculteurs déplorent que cette culture industrielle que le café se vend à l'étranger en devise, mais qu'au Burundi, les producteurs du café gagnent peu. Là, ils comparent le kilogramme de haricots qui se vend à 4000 de nos francs et le kilogramme du café cerise qui bientôt se vendra à 1380 francs. Le prix d'un kilogramme de café cerise est fixé à 1380 francs pour cette campagne café 2024, au moment où il était fixé à 1200 francs pour la campagne café 2023 et 850 francs fera la campagne café de l'an 2022. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva va pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous marquez la différence ainsi avec cette radio Isanganiro. Il est 18h09. Le manque criant du carburant est l'une des raisons qui ont poussé l'association Bujumbura Cleaning Company qui enlève des déchets ménagé dans les trois zones de la commune urbaine de Mukaza, à savoir Rohiro, Giza et Buyenzi, à ne pas le faire dans les délais prescrits. Explication d'Eric Nsabu Mukiza, directeur commercial au sein de la dite association. Toutefois, il rassure que le travail de collecte de ces déchets va bientôt reprendre, dit-il, après l'injonction du maire de la ville de Bujumbura au propriétaire des stations-service de servir en premier les camions chargés de collecter ces déchets ménagers. Et il le dit après les indignations de la population de ces zones contre le travail effectué par cette société. Suivez. Il y a exactement un problème lié à un manque criant que vous avez observé. Vous avez observé des files sur les stations. Nous avons rencontré ce problème de carburant, mais nous sommes à l'œuvre. Nous sommes au service, même maintenant où l'on vous parle, nous avons eu le carburant parce que la mairie de Bujumbura a essayé de déployer certains de ses agents pour essayer d'aider afin que nos camions soient servis. Alors maintenant, il y a un ouf de soulagement, je dirais. Sinon, la population, maintenant, il y a cette campagne du président de la République, de la première dame, de la maire de la ville de Bujumbura, cette campagne de zéro déchet dans la ville de Bujumbura fait que certaines personnes qui avaient contesté ou qui n'avaient pas encore adhéré à nos contrats Maintenant, ils ont un problème de pouvoir dégager leurs déchets. Et ce sont ces personnes mêmes qui ont maintenant beaucoup d'immondices, beaucoup de déchets ménagers. Et nous les appelons maintenant parce que c'est une très belle occasion à signer le contrat, à s'abonner dans notre société. Et certains des élèves de l'école fondamentale Kiyangé 2 de la commune Kiwago dans la province de Makamba suivent des cours dans une église suite aux pluies qui ont démoli une partie de la toiture de cette école durant le premier trimestre de l'année scolaire en cours. Certains des parents ayant des élèves à cet établissement demandent que les infrastructures scolaires soient réhabilitées étant donné que le début du troisième trimestre pointe à l'horizon. L'administrateur communal de Kiwago fait savoir que cette école figure parmi celles qui vont être réhabilitées dans un avenir proche sur l'appui du Fonds national d'investissement communal FONIC. Le point avec Élisée Cuiser. Ces élèves de l'école fondamentale Kiyangé 2 de la commune Kiwago, dans la province Makamba, étudiants dans une église depuis le premier trimestre de cette année scolaire, sont ceux de la quatrième année. C'est suite à la destruction d'une partie de la toiture de cette école par des pluies diluviennes qui se sont abattues dans cette commune pendant cette période. Selon le directeur de cette école, Arubéry Ruzochimana, les activités scolaires pour ces élèves sont momentanément perturbées. Surtout les jeudis, suite aux activités qui se réalisent à cette église, certains des parents ayant des enfants à cet établissement indiquent que cette école a déjà reçu une aide d'étole de la part de Caritas Burundi et demandent que la toiture de cette école soit réhabilitée. Vu que le troisième trimestre de l'année scolaire va bientôt commencer, l'administrateur de la commune Kiwago, Espérance Inarukundo, fait savoir que cette école figure parmi celles qui vont être réhabilitées via une aide que l'État a donné à cette commune à travers le Fonds national d'investissement communal. Il précise que toutes les procédures sont déjà mises en place et que le soumissionnaire va bientôt entreprendre les travaux. S'agissant de l'aide d'étole que cette école a déjà bénéficié de la part de Caritas Burundi, il indique que l'administration communale et la direction communale de l'éducation, en collaboration avec le responsable de la paroisse catholique à Kiwago, vont voir comment l'orienter dans d'autres projets. Depuis Makamba, Élisée Cuiséra, Radio Isanganiro. Merci Élisée Cuiséra de l'éducation à la musique. Pour les amateurs de la musique, il s'agit d'une commémoration. Ce 3 avril du 28, triste anniversaire de la mort de l'artiste chanteur, auteur, compositeur, interprète et en même temps instrumentaliste Chanjo Amisi. Sa pensée, son message se base sur le patriotisme, la valorisation des droits de la femme et sans oublier des conseils à l'endroit des jeunes filles burundaises. Ses œuvres musicales ont été primées à l'échelle nationale et à l'international. Les éloges de Chanjo Amisi avec Christian Savier. Fils d'Onfissi Hussein et de Asina, Chanjo Amisi est né sur la colline de Shikiro. Nous sommes au chef-lieu de la province Ngozi. Il grandit dans cette ville où il fait ses études secondaires au collège Don Bosco à Urengo. Chanjo Amisi fait ses débuts d'instrumentiste au cours de sa préadolescence sous l'influence d'Amuri, un fabricant artisanal de cuisinière à charbon portable, Imbabura. Chanjo Amisi centre ses idées dans différents domaines comme d'abord le social. Dans sa chanson Omugabo Ukuri. Omugabo Ukuri, Uingwa Yichaye. Omugabo Ukuri, Arangwa Yikowa. Il a une plume remarquable quand il parle d'amour. Nachi Chanirungu. Il n'a pas manqué l'occasion de parler de l'amour maternel en faisant des éloges à sa maman dans « Mon vieil ». Chanjo Amisi parle également de la beauté de sa patrie, le Burundi, dans « Ewe Burundi ». Ewe Burundi ngira ndakuririmbe Ewe Burundi Chanjo Amis est régulièrement cité comme une référence majeure dans l'art musical burundais. Il rend l'âme la nuit du 3 au 4 avril 1996 à cause d'une maladie. Que la terre lui soit encore légère. Avant de parler de la chronique, parler, rassure-moi, en actualité internationale, en Ouganda, la Cour constitutionnelle a rejeté somme et crédit en recours contre la loi anti-homosexualité promulguée au mois de mai en 2023 et qui a indigné l'ONU et des organisations de défense des droits humains. Baptisée loi anti-homosexualité 2023, le texte prévoit de lourdes peines pour des personnes ayant des relations homosexuelles et faisant également la promotion de l'homosexualité. Un délit d'homosexualité aggravé et même passible de peine de mort en Ouganda, une condamnation qui n'est toujours pas appliquée depuis des années. Et le recours avait été déposé par des militants des droits humains, des professeurs de droit et des députés du parti majoritaire qui appelaient essentiellement à l'annulation de l'intégrité de la loi anti-homosexualité de 2023, a déclaré le juge Richard Boutera. Et les cinq juges ont toutefois statué que certains articles de cette loi bafouaient le droit à la santé, le droit à un niveau de vie adéquat, tel que consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Nations Unies. Tout de suite, la chronique parle, rassure-moi. Parle, rassure-moi. Lorsque des gens s'accrochent sur un passé douloureux, ne projettent pas leur avenir, cela a des conséquences sur la communauté, affirment certains habitants de la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. La haine et le banditisme sont quelques-unes de ces conséquences, nuance ces habitants. Des points de vue partagés par l'administration zonale qui appelle la population à penser à leur venir. Le point avec Mireille Kanyang. Ces habitants de la zone Gatumba disent avoir déjà entendu ces gens qui s'accrochent au passé violent et ne projettent pas dans l'avenir. J'entends souvent ces informations de ma grand-mère. Elle me dit qu'elle est restée seule à cause de la crise. Elle n'est pas du tout motivée quand il s'agit des projets de développement, car elle reste à l'écart la plupart des fois. Il arrive des fois où elle accepte de travailler ou dit tout simplement qu'elle préfère mourir. Dans le passé, il y a des gens qui avaient travaillé dur, mais ont malheureusement perdu leurs biens à cause des crises qu'a connues le pays. De retour de l'exil, ils n'ont rien trouvé. Ces derniers sont alors découragés et n'ont plus envie de continuer à penser à leur avenir. Ils préfèrent vivre du jour au jour. Selon toujours ces habitants, cela fait suite à la peur de ce qu'ils ont vécu. Ils se réfèrent en outre, disaient-ils, à ce qu'ils vivent aujourd'hui dans leur entourage. Une telle situation a des conséquences sur les communautés. Ces habitants de la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi, évoquent notamment le mauvais voisinage et le banditisme. L'administration en zone Gatumba réaffirme ses points de vue et trouve qu'il n'y a point de développement si des habitants s'accrochent au passé violent. Il y a deux groupes. Ces deux groupes ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Les uns travaillent alors que les autres non. Ceci fait que les communautés ne se développent pas. Peu de personnes avancent alors que la majorité reste à la traîne. Fin de fin, des chicaneries peuvent avoir lieu. Là, quand on voit son voisin avancer et graisser les dents, cela où naissent des malfaiteurs, des bandits. Cette autorité zonale appelle sa population à penser plutôt à l'entraide et à leur avenir et ainsi construire une communauté sans violence. Mireille Kanyang. Il est 18h20, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la parfaite collaboration technique de François Akimana. À la présentation, vous étiez avec Placide Niyomungeri. Mais ne tournez pas le bouton, le programme reste continue sur Isanganiro.